La Bible David Martin 1855. Seconde épître de Saint Pierre. Seconde Pierre chapitre 1. Siméon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à vous qui avez obtenu une foi de pareil prix avec nous, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, en la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Puisque sa divine puissance nous a donné tout, ce qui appartient à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous sont données les grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous soyez faits participants de la nature divine, étant échappés de la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Vous donc aussi, y donnant tous vos soins, ajoutez la vertu à votre foi, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y abondent, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles en la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point, est aveugle, et ne voit point de loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, mes frères, étudiez-vous plutôt à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela vous ne broncherez jamais. Car par ce moyen l'entrée au royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera abondamment donnée. C'est pourquoi je ne serai point paresseux à vous faire toujours souvenir de ces choses, quoique vous ayez de la connaissance, et que vous soyez fondés en la vérité présente. Car je crois qu'il est juste que je vous réveille par des avertissements, tandis que je suis dans cette tente, sachant que dans peu de temps je dois en déloger, comme notre Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a déclaré. Mais j'aurai soin que vous puissiez aussi, après mon départ, vous remettre continuellement ces choses dans votre souvenir. Car nous ne vous avons point donné à connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, en suivant des fables artificieusement composées, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire, quand une telle voix lui fut adressée du milieu de la gloire magnifique, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir. » Et nous entendîmes cette voix émaner du ciel, étant avec lui sur la sainte montagne. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une chandelle qui a éclairé dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire, et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Considérant premièrement ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture, ne procède d'aucun mouvement particulier. Car la prophétie n'a point été autrefois apportée par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé.